De Gaston Leroux, trois autres contes épouvantables. Vincent, Vincent. Aux cinq vieux loups de mer qui venaient tous les soirs prendre l'apéritif à la terrasse d'un café de la Vieille d'Arce à Toulon, en se racontant des histoires épouvantables, se joignait quelquefois un sixième personnage qui paraissait encore plus vieux loup de mer que Zinzin, lequel avait fait 20 ans de cabotage dans les mers de Chine, que Dora, l'ex-capitaine de long cours, Dora, que Bagatelle, qui avait épousé une siamoise, que Chanlieu, ce bougre de Chanlieu, qui avait jadis répandu les bienfaits de la civilisation parmi les indigènes de l'Afrique occidentale, entre le Niger et le Congo, que le capitaine Michel, qui avait gardé le goût de la chair humaine après l'histoire d'un séjour de plusieurs semaines sur un radeau de la Méduse, dont les naufragés étaient revenus après s'être plus ou moins grignotés, manchots ou cul-de-jatte. Ce sixième personnage, Monsieur d'Amour, Jean-Joseph Philibert, avait fait toute sa carrière dans les bureaux des messageries extrême-orientales et parlait des escales du Pacifique comme nous parlons nous autres de la Varenne Saint-Hilaire ou de l'île Adam. À dire vrai, il n'avait jamais mis les pieds sur un bateau et n'avait quitté Paris que le jour de sa retraite. Mais il avait une figure si tannée, la peau si rude, le poil si rebelle, une pipe de terre si courte, si culottée, une démarche si typique, défiant tous les roulis, que rien qu'à le voir, on disait « En voilà un qui a bourlingué ». Don Mathurin y avait été pris et lui avait fait bon accueil quand au jour de presse, il leur avait demandé, en soulevant son béret basque à queue de rat, la permission de s'asseoir à leur table. Il était revenu et il leur avait fallu quelques mois pour s'apercevoir que Jean-Joseph, ainsi appelait-il Monsieur d'Amour, qui s'était d'abord présenté comme capitaine, n'avait jamais voyagé. L'animal donnait des détails tellement précis sur les plus lointaines contrées du globe, rectifiant les dires de chacun, connaissant sur le bout du doigt l'histoire des paquebots, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, plus ou moins dramatique, qu'ils en avaient eu longtemps le bec clos. Mais le jour où la vérité fut enfin découverte, ce fut un beau tapage. Inutile de dire qu'ils se payèrent sa tête avec fureur. C'était bien leur tour. Ce qu'ils ne comprenaient point, par exemple, c'est qu'après plus de 30 ans de paperasse, il ait pu montrer une figure pareille. « Il doit se la faire tous les matins, » disait le capitaine Michel. Oui, surenchérissait Zinzin, il se mit le chandelier en noir. Pendant quelque temps, on ne le revit plus. Puis, il réapparut avec un jeune homme d'une 20aine d'années, qui naviguait vraiment celui-ci. Il n'en paraissait du reste pas plus fier pour ça. Il était d'une pâleur de fille, et il ne cachait pas qu'à chacun de ses voyages, il avait le mal de mer. « C'est mon fils adoptif, le jeune Vincent Vincent. »« Ben, vraiment, » déclarait Jean-Joseph. Avec orgueil. Chaque fois que Vincent Vincent revenait à Toulon, Jean-Joseph en était si fier qu'il n'était pas rare de le voir arriver à Vieille d'Arce, roulant plus que jamais, du vent dans les voiles, quoi. Ce jour-là, il apparut souple comme 36 gabiers. Qu'est bordé, fit ce bougre de Chanlieu. D'où viens-tu donc, Jean-Joseph ? Je reviens de Marseille, embarquer le petit, répondit Jean-Joseph d'une voix fort attendrie, et il se prit à chialer. « Puisque ça te fait tant de peine et que ça lui cause si peu de joie, » émit le capitaine Michel, « il y a d'autres métiers. »« Non, » répliqua l'autre, péremptoirement, en avalant sa verte. Personne ne le contredit, car ils étaient tous du même avis. Et puis, ajouta Jean-Joseph, « je ne veux pas qu'on se paie un jour sa gueule, comme on s'est offert celle de son père adoptif. » Pauvre petit. Là-dessus, il se remit à pleurer comme seuls savent pleurer les hommes sous qui ont un chagrin immense. « Allons, dis-nous la vérité !» exclama Bagatelle, qui avait l'imagination galante. « Ce petit-là, c'est toi qui l'as fait ?»« Non, » fit l'autre rudement dans ses larmes. « C'est pas moi le père. Le père, il a été assassiné. »« Pauvre petit !» fit entendre à son tour Zinzin pour dire quelque chose. « Oui, pauvre petit, parce que je vais vous dire, sa mère... »« Quoi, sa mère ?»« Eh bien, sa mère, elle a été assassinée. Aussi. » « Nom de Dieu !» jura Bagatelle. « Ça, dit Zinzin, c'est une histoire épouvantable. Plus épouvantable que celle que je vous ai entendue raconter, » émit Jean-Joseph dans un hoquet. « C'est à voir, » fit le capitaine Dora, « car il n'y a pas à dire, nous sommes un peu là pour les histoires épouvantables. » Elle n'est pas plus épouvantable que celle qui est arrivée au capitaine Michel, déclara Zaza. Je vous dis que si. Seulement, faut le dire à personne. C'est un secret, souffla l'autre dans un second hoquet. Cesse de pleurer, commanda Michel, et raconte-nous ça. Ça te soulagera. Son lieu dit, assez méprisant, sans compter que ça arrive tous les jours. Un père et une mère assassinés. Moi, je ne vois rien d'épouvantable là-dedans. Qui étaient les assassins ? Jean-Joseph s'essuya les yeux avec son mouchoir à carreaux et dit « Il n'y avait pas d'assassin. » « Comment ? Ils ont été assassinés et il n'y avait pas d'assassin ?»« C'est bien ce qu'il y a d'épouvantable, » soupira Jean-Joseph. « On a retrouvé les malheureux étripés avec un couteau de cuisine. Une vraie boucherie, quoi. Les entrailles du vieux traînaient sur le tapis et la vieille avait gardé le couteau en plein cœur. »« Alors quoi ? Ils s'étaient disputés ?»« Disputés ?» releva Jean-Joseph, l'œil mauvais. Les pauvres vieux, on voit bien que tu ne les as pas connus. C'était des gens qui ne se sont jamais disputés de leur vie. Et ils n'ont pas commencé ce jour-là. Ça, je peux le dire. Je suis même le seul à pouvoir vous l'affirmer, foi de Jean-Joseph. Non, on les a assassinés à la suite d'un cambriolage. Alors pourquoi tu nous dis qu'il n'y avait pas d'assassins ? C'est les cambrioleurs qui les ont assassinés. Il n'y avait pas de cambrioleurs, coupa net Jean-Joseph. Merde, Bouchardlieu, fous de nous qu'on adore. « Laissez-le raconter son histoire, » commanda Michel. « Je n'ai plus rien à dire, » déclara Jean-Joseph. Cette fois, tous les autres éclatèrent de rire. Ce que voyant, Jean-Joseph fut pris d'une vraie colère. « Mais non, il voulait raconter son histoire, et comme les autres continuaient à rigoler, il fit sauter les soucoupes d'un coup de poing sur la table et dit « Je vous jure que tout à l'heure, vous ne rigolerez plus. »« Eh bien, va, on t'écoute. » En ce temps-là, commença Jean-Joseph, mon port d'attache était rue Germain Pilon. Paris, port de mer, que goguenarda Chanlieu. Nom de Dieu, je ne dirai rien tant que ce cochon-là sera là. Je vais faire un tour, fit Chanlieu, en se levant. Les histoires épouvantables de la rue Germain-Pilon, très peu pour moi. J'aime y aller au cinéma. Quand il fut parti, Jean-Joseph reprit. Je ne sais pas si vous connaissez la rue Germain-Pilon. C'est une petite rue qui grimpe du boulevard extérieur à la butte Montmartre. C'est là que j'ai connu les Vincent. Ils étaient, comme on dit, à leur aise. Et des amis s'étaient souvent étonnés de les voir rester dans un quartier qui passait pour dangereux. Mais ils répondaient à cela que depuis 15 ans, il ne leur était rien arrivé, qu'ils sortaient rarement le soir, et qu'ils préféraient habiter une petite maisonnette avec cour et jardin qu'un appartement dans un immeuble où plusieurs familles se heurtent quotidiennement sur le même palier. J'étais leur voisin, et bien qu'ils fussent peu liants, nous étions pris d'amitié à cause du petit que je gâtais chaque fois que l'occasion s'en présentait. J'ai toujours adoré les enfants. Un soir de Noël, « Ah, c'est une histoire de Noël, » grogna Zaza. « Je repasserai. » Et il alla rejoindre son lieu. « Y a-t-il une histoire de femme dans ton histoire de Noël ?» demanda Bagatelle. « Oui. Eh bien, va. Un soir de Noël, j'étais absent à ce moment-là de Paris, sans quoi tout cela ne serait peut-être pas arrivé. » Madame Vincent descendit à pas feutrés l'escalier qui conduisait à la salle à manger, où son mari l'attendait, les pieds sur les chenets. « Le petit dort-il ? » demanda Monsieur Vincent. « Comme un ange, » répondit la brave femme. Ils adoraient cet enfant, de leur âge mûr. Sa venue tardive en même temps qu'elle les avait remplis de satisfaction, les avait comblés d'une joie presque surhumaine. Madame Vincent avait 45 ans quand ce beau leur était arrivé, et Monsieur Vincent, 55. On voit de ces miracles. C'était un ménage modèle. Ils avaient vécu jusqu'alors l'un pour l'autre. Ils ne vécurent plus que pour le petit. Ils lui donnèrent le prénom de Vincent, et comme son nom de famille était également Vincent, ça faisait que les voisins, voyant passer l'enfant dans les bras de sa mère, disaient « Tiens, pas le petit Vincent, qui va faire son tour de boulevard ?»« Moi aussi, » déclara Noir, et il se leva. « Attends, moi, l'histoire de la femme, » lui dit Bagatelle, « je m'en fous. Jean-Joseph n'est pas drôle, et il est même plus sous. » Jean-Joseph, fit Bagatelle, jure-moi que l'histoire de la femme vaut le coup. Je dirais, répliqua Jean-Joseph, qu'il est impossible d'imaginer quelque chose de plus atroce. Et c'est une histoire d'amour ? Tu parles d'amour jusqu'à la mort. Mais si t'es sensible, vaut mieux que tu t'en ailles. Car une mort pareille, on n'en voit pas souvent dans les histoires d'amour. Je reste, décida Bagatelle. Mais Dora était déjà allée rejoindre les deux autres. Devenu impassible, obéissant de rallumer son brûle-gueule, Jean-Joseph continua, dans des termes où revivait l'employé modèle d'autrefois. Il serait tout à fait oiseux d'entrer dans les détails d'une première éducation qui ne tendait à rien moins qu'à faire du petit Vincent l'enfant le plus insupportable de la terre. Rien n'était trop bon, rien n'était trop beau pour le petit Vincent Vincent. Les deux époux avaient été les premiers employés de la fameuse maison de nouveautés. Ici, on habiterait bien. Et quand le petit vint au monde et gagnait bon dans mal an avec les Guelts, une vingtaine de mille francs, ce qui leur avait permis, grâce à leur goût médiocre, de sérieuses économies. Après l'événement, tout en n'hésitant pas à dépenser à tort et à travers pour le petit, ils devinrent avares pour eux-mêmes. Plus de petites fêtes, plus de théâtre, plus de parties le dimanche, plus de soirées où l'on invite des amis. Tout cela était autant de gagner pour l'enfant, qu'il retrouverait plus tard. En attendant qu'on le lançât dans le monde, Vincent Vincent s'était endormi ce soir-là, qui était, comme je vous l'ai dit, celui de Noël, après avoir déposé ses petits souliers dans un coin de l'âtre de la salle à manger. « Vincent, viens m'aider, nous allons dresser l'arbre de Noël. » « Oui, c'est ça, préparons-lui une belle fête, que tout soit prêt quand il se réveillera, le cher petit. » Bagatelle souffla. « Nom de Dieu, t'oublies rien ? Mais quoi, tu sais tout ça, puisque tu n'y étais pas ? C'est le père Vincent qui m'a tout raconté, et dans le détail, comprends-tu ? » « Non, fit Bagatelle, je ne comprends pas. » Si c'est ce soir-là qu'il a été assassiné. C'est ce soir-là, précisa la voix de plus en plus lugubre de Jean-Joseph. Eh bien alors ? Eh bien alors, il me l'a raconté après qu'on l'a eu assassiné. Ce chameau, il nous a jusqu'à la gauche. Mais j'attends l'histoire de la femme, après on verra. Nous y sommes, déclara Jean-Joseph. C'était leur habitude depuis la naissance de Vincent Vincent, d'ériger après dîner, dans la salle à manger, l'arbre de Noël et de disposer tous les jouets qu'ils avaient achetés. Puis ils sortaient faire un tour, allaient assister à la messe de minuit, et revenaient chez eux, allumaient les bougies roses, montaient auprès du petit, que la bonne avait veillé, le soulevaient doucement, et ne le réveillaient que devant la splendeur illuminée de cette fête enfantine. Ainsi firent-ils cette fois encore. Cette nuit, il y avait fête foraine sur le boulevard. La chaussée, les terre-pleins étaient envahis par des baraques de toile. La température était douce. Les trottoirs étaient encombrés d'une foule joyeuse et les consommateurs, aux terrasses des cafés, s'attardaient à regarder tout ce mouvement qu'accompagnait la musique endiablée des manèges et des carousels. « C'est Vincent qui t'a raconté tout ça après qu'on l'a eu assassiné ?»« Oui, tout. Il devait avoir soif. »« Je lui ai donné à boire, fit Jean-Joseph. » Et il a rendu dernier soupir. « Sans avoir recommandé une tournée ?»« Non, mais après m'avoir recommandé son petit. »« Mais la femme, nom de Dieu, la voilà !» Imperturbable maintenant, Jean-Joseph reprit le fil de son histoire. Monsieur et Madame Vincent poussèrent jusqu'à la place Blanche et descendirent rapidement du côté de l'église de la Trinité, où ils avaient dessein d'entendre la messe de minuit. Ce fut au tour du capitaine Michel de se lever. « Où vas-tu ? » lui demanda Bagatelle. « Mes convictions religieuses, » exprima doucement le capitaine Michel, « m'empêchent d'aller à la Trinité entendre la messe de minuit. »« Tu m'excuseras, Jean-Joseph, je suis de l'église réforme. » »« Eh, vieux parpaillot, » clama Bagatelle, « attends au moins son histoire de femme. » »« Un vieux parpaillot, » prononça solennellement le capitaine, « ne se plaît pas aux histoires de femmes, ni même de bonnes femmes, » ajouta-t-il en saluant la compagnie. Jean-Joseph restait seul en face de Bagatelle. Il continua. Il serait resté en face de ses soucoupes, qu'il ne se fût point arrêté. Son histoire le tenait. C'était la première fois qu'il la racontait, et ce serait sans doute la dernière. Il voulait se prouver à lui-même que lui aussi savait raconter des histoires épouvantables. Arrivé à l'église, les Vincent y pénétrèrent, bien que la cérémonie ne dût commencer qu'une heure plus tard. Ils s'en furent tout de suite à la crèche et s'agenouillèrent sur les marches devant l'enfant Jésus, étendu entre l'âne et le bœuf, au milieu des tables. « Il ressemble à Vincent !» fit M. Vincent. Mais sa femme ne lui répondit rien. Elle était plongée dans une prière si ardente et si profonde que les lumières et les chants, la foule qui vint à bousculer, n'eurent point le pouvoir de lui faire relever la tête. La messe finie, son mari dut lui mettre la main sur l'épaule pour la faire sortir de cette pilleuse léthargie. Elle lui montra un visage de cire. « Mon Dieu, dit-il, comme tu te fais du mal à prier !» « Viens, je suis sûr que Vincent est déjà réveillé et qu'il nous attend. »« Oui, oui, dit-elle, sauvons-nous. » Et elle entraîna, comme si elle se sauvait en effet. Il avait peine à la suivre. Essoufflé, il essaya sur le boulevard de lui faire ralentir le pas. « Non, non, dit-elle, rentrons vite. » Il pensa qu'à cette heure, elle avait peur dans les rues. De fait, l'aspect de ce coin de Paris n'avait plus rien de rassurant. La fête avait eu ses flonflons. De rares lumières éclairent mal la nuit déserte et, au coin des petites rues obscures, les ombres louches de quelques chevaliers à casquettes surveillaient les allées et venues des pauvres filles attardées sur les trottoirs. Ils arrivèrent cependant à la rue Germain-Pilon sans encombre. Aussitôt qu'ils furent dans leur salle à manger, la lampe allumée, la vue de l'arbre de Noël sembla chasser toutes les vilaines images du dehors. Monsieur Vincent, au pied de l'escalier, appela la bonne une voix sourde pour ne pas réveiller le petit. Mais celle-ci ne répondit pas. Comme il voulait monter, Madame Vincent lui dit « Elle s'est endormie à côté de Vincent. Laisse-la et finissons d'arranger. » Alors ils mirent aux branches déjà chargées les polichinelles, les poupées et les petites inventions mécaniques achetées dans les boutiques en plein vent du jour de l'an. Le papa Vincent s'apprêtait à glisser dans les souliers de l'âtre un général et une trompette quand il en fut empêché par la maman qui lui dit « Non, non, pas dans les souliers, ne mets rien dans les souliers, c'est mon affaire. » Et elle étendit une nappe sur un coin de table, il disposa des verres, des assiettes et des gâteaux et sortit du buffet une bouteille de champagne. Enfin, ils allumèrent les petites bougies roses de l'arbre de Noël. Ce fut une illumination. Il n'y avait rien de plus gai que cette salle si parée à laquelle il ne manquait plus, pour que la fête commençât, que le petit Vincent Vincent. « Je vais le réveiller, dit la mère. Toi, attends-nous ici. » Et les souliers, fit observer le père. « Tu les oublies ? » ?»« Je ne les oublie pas. C'est une surprise. Tu verras. » »« Bien, bien. » Elle entra une seconde dans la cuisine et là, allongea le bras et prit sous une caisse un objet qu'elle dissimula vivement sous le mantelet qu'elle ne s'était pas donné le temps d'ôter depuis son retour. « Ah, je t'y prends, cachoutière, » fit la voix de M. Vincent. « Voyons, montre-moi ta surprise. À moi, à moi. Laisse-moi tranquille. Tu es plus enfant que Vincent Vincent. Rentre dans la salle à manger. » Il n'avait point l'habitude de le résister. Il s'en fut se rasseoir en face de l'arbre de Noël. Quant à elle, elle grimpa rapidement au premier. Elle avait monté si vite l'escalier que, sur le palier, elle dut s'arrêter un instant, une main sur son cœur qui battait à l'étouffer. À sa droite, elle avait la porte entrebâillée qui ouvrait sur la chambre où dormait Vincent Vincent. À sa gauche, une porte fermée qui était celle de la chambre des époux. C'est vers celle-ci qu'elle se dirigea. Tirant une clé de sa poche, elle ouvrit cette porte, la referma derrière elle et fut dans une obscurité opaque. À tâtons, elle s'en fut à la cheminée, se heurtant à des objets qui entravaient sa marche. Enfin, ses doigts rencontrèrent un bougeoir et une boîte d'allumettes et elle alluma. Aussitôt, la lueur encore hésitante de la bougie éclaira un affreux désordre. Les draps, les matelas arrachés du lit, la table de nuit et le guéridon renversé, des vases, des objets de toilette brisés, une armoire à glace pillée, du linge jeté un peu partout, un carreau brisé à la fenêtre. Enfin, sur le plancher, la trace gluante et charbonneuse des savates où s'étaient assourdis les pas des abominables visiteurs. Car de toute évidence, cette chambre avait été cambriolée. La flamme de la bougie, qu'agitait la brise du dehors, ajoutait encore, par ses soubresauts, à l'horreur fantastique de cette vision de ravage. Sortir de la tiède atmosphère de fête, du doux enchantement de cette salle du rez-de-chaussée, où tout est préparé pour la plus douce et la plus pure des joies de famille, et se réveiller brusquement, au centre de cette épouvante glacée. N'y avait-il pas là plus qu'il en fallait pour figer à jamais le cœur bourgeois de la bonne Madame Vincent ? En tout cas, même si ce cœur bat encore, après une secousse pareille, de quelle inexprimable angoisse la mère du petit Vincent Vincent doit-elle être saisie en songeant au bébé qui repose à deux pas de cet endroit funeste, saccagé par le passage de cambrioleurs ainsi que par une trombe ? Eh bien non. Madame Vincent, qui se promène si précautionneusement au milieu de ce désordre, la bougie à la main et un couteau de l'autre, un énorme couteau de cuisine, tout neuf. L'objet mystérieux qu'elle dissimulait tout à l'heure sous son mantelet, Madame Vincent ne marque par son attitude ni surprise ni effroi. Elle savait qu'il y avait eu un cambriolage et elle l'avait caché à son mari pour ne pas gâter la fête, interrompit Bagatelle qui n'était point dépourvue de logique, puisque je t'ai dit qu'il n'y avait pas eu de cambriolage. Ah, tu deviens fou ou je deviens idiot. Eh bien, et la femme, la fameuse femme, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça ? C'est la femme qui avait cambriolé. Nom de Dieu, ma tête en pète. Enfin, va, quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère Vincent? Elle a pénétré dans la chambre du petit Vincent Vincent. Elle a réveillé la bonne, qui en effet s'était endormie. Elle l'a renvoyée dans sa mansarde, achevée son sommeil, que rien à l'ordinaire ne venait troubler. Et puis, voici Vincent Vincent, qui ouvre ses yeux dans les bras de sa maman. Il ne crie pas, il sait que c'est Noël. Il en a rêvé. Il se réveille avec l'idée fixe des trésors qui l'attendent en bas. Il frappe déjà, l'une contre l'autre, ses petites mains. Noël, Noël! Et il mange le baiser des joues de sa maman, comme si elles étaient en nougat de Montélimar. Le petit est bientôt au centre des plaisirs. Il tend maintenant ses mains vers l'arbre de Noël. Il veut tout toucher, tout prendre, jouir de tout à la fois. Mais tout à coup, la joie de l'enfant est suspendue. Il a vu les petits souliers dans la cheminée et constate qu'ils sont vides. Et voilà qu'il pleure. Vincent tourne vers sa femme un regard de reproche. « Pourquoi lui as-tu causé cette peine ?» Mais elle a déjà pris le petit dans ses bras, le câline, essuie ses larmes, le console. « Petit Jésus n'a pas voulu tout apporter ce soir. Il reviendra demain matin. »« C'est bien vrai, maman ?»« Oui, il y aura un beau cadeau dans tes souliers. » Confiant, Vincent a retrouvé sa gaieté. « Mais quelle surprise lui réserves-tu donc ?» demanda tout bas le père. « tu verras, » répond-elle mystérieusement. Et Madame Vincent prend la bonne tête de l'époux, l'approche de celle du petit, et les couvre toutes les deux de gros baisers passionnés qu'accompagnent des pleurs silencieux. Cette démonstration inattendue et un peu nerveuse n'est point sans inquiéter Papa Vincent. « Tu me fais peur, » souffle-t-il à sa femme. « Soupons, » lui répond-on. Et il soupe gentiment. Il en débouche le champagne, et l'enfant a le droit de tremper ses lèvres dans la mousse. Après quoi, il se rendort, des joujoux plein les bras, sur les genoux de son père. « Monte-le, » dit la maman. « Veille-le 2 minutes pour être sûr qu'il s'est bien endormi. Moi, je souffle les bougies de l'arbre pour qu'il n'arrive pas d'accident, et je monte dans la chambre. » Vincent obéit. De son côté, Madame Vincent a accompli sa besogne. Il n'y a plus que de l'obscurité là où tout à l'heure rayonnait l'arbre de Noël. Elle gravit l'escalier, éclairé par la faible lueur qui vient de la porte de la chambre du petit, entrouverte. On dirait que les jambes de la bonne dame ont peine à se la soutenir, tant elle s'accroche à la rampe, comme si elle redoutait de tomber. Arrivée au palier, elle pousse un soupir. « Qu'est-ce que tu as ?» demande la voix sourde du père dans la chambre du petit. Mais Maman Vincent ne répond pas. Elle n'a plus la force de prononcer une parole. Elle détourne la tête et pénètre dans la chambre saccagée dont elle a quelque peine à ouvrir la porte. Elle allume la bougie, elle revoit l'horreur. Elle se saisit du couteau, du grand couteau de cuisine tout neuf et si aigu, si bien affiné. Et elle attend derrière la porte à demi poussée. Monsieur Vincent, dans l'autre chambre, lui parle. Elle ne répond toujours pas. Voici les pas de l'homme sur le palier. Elle l'attend. Papa Vincent apparaît, sa large poitrine bien éclairée par la lueur rougeâtre de la bougie à la flamme vacillante. Il dit « Pourquoi ne me réponds-tu pas, ma chère ?» Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Maman Vincent a allongé le bras et a frappé 2 coups terribles. L'homme s'est abattu en poussant un cri. Mais elle s'est jetée sur lui et lui met la main sur la bouche. « Tais-toi, tais-toi !»« Ah, c'est toi !» fait l'homme qui râle. « C'est toi !»« Oui, c'est moi. Tais-toi !» L'homme entre deux hoquets trouve encore la force de dire « Ferme-moi la porte !» Elle se traîne jusqu'à la porte, la referme et revient près du grand corps sanglant qu'elle regarde maintenant avec des yeux qu'emplissent les larmes de l'épouvante. « ma chérie !» soupire le malheureux. « Tu as bien fait, mais as-tu tout préparé ? On ne se doutera pas ?»« Non, non !» On ne se doutera de rien, et elle s'allonge près de lui et colle ses lèvres à celles de sa victime. « Tu me pardonnes ?»« Si je te pardonne. »« Tu as eu plus de courage que moi. » »« Ne dis pas ça. Si je t'avais laissé faire, tu te serais tué et on aurait cru que tu étais suicidé. »« J'ai simulé un cambriolage. »« Tu as bien fait, oui. C'est la déroute complète. » C'est pire encore que ce que je t'ai dit avant-hier. La débâcle, plus un sou. Le directeur enfuit toutes les économies des employés engloutis. Tu as bien fait, ma chérie. Il ferma les yeux et ne dit plus rien. Elle le crut mort, Elle souleva doucement le couteau de l'horrible plaie. Alors les paupières du père Vincent se soulevèrent encore. « Qu'est-ce que tu fais ? » demanda-t-il dans un souffle. « Rien. »« Ne touche pas, » fit-il encore. « Ne touche pas au couteau. »« Tais-toi, mon chéri, il faut... Tu comprends qu'on m'interrogeait ? Et il faut que je ne puisse pas répondre. Il faut qu'on nous ait assassinés, tous les deux. Tu comprends, Vincent ? Si tu pouvais, ne pleure pas. Ne meurs pas avant moi, mon chéri. Attends. Tiens, donne-moi ta main. Aide-moi. Rends-moi à ton tour ce service-là. Aide-moi, Vincent, là, comme ça, fort. Ah, ah. » Et dès la main de Vincent, elle s'enfonça posément, fortement, le couteau dans le cœur. Et elle mourut en murmurant « Vincent, Vincent, 100 000 francs dans tes souliers !» Jean-Joseph s'était repris à chialer. Il dit « Le père Vincent ne mourut que le lendemain. » Il eut le temps de m'expliquer qu'il n'aurait jamais pu continuer à payer l'assurance sur la vie qu'il avait contractée sur la tête du petit. Ils étaient trop vieux pour se remettre au travail. De cette façon, ils étaient sûrs que Vincent continuerait, lui, à ne manquer de rien. Bagatelle ne blaguait plus. Alors l'histoire de femme, demanda-t-il, c'était celle de la mère Vincent? Oui, répliqua Jean-Joseph. Tu en as souvent vu, toi, des gens qui s'aiment comme ça? Peu, fit Bagatelle, en se secouant. C'est une histoire d'amour, je ne dis pas non, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler une histoire épouvantable. Le pire, tu l'ignores, Bagatelle, reprit Joseph, d'une voix devenue subitement sourde. Après enquête, l'assurance n'a pas payé. Enfin. De Gaston Leroux, Note au lin. Jamais encore à la terrasse de la vieille darse, où nos loups de mer prenaient tous les soirs l'apéritif, jamais encore il n'avait vu arriver Zinzin dans un état pareil. Les yeux lui sortaient de la tête. Et il était pâle comme un mort. C'est tout juste s'il eut le temps de se laisser tomber sur une chaise et tous s'empressèrent autour de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, Zinzin ? Qu'est-ce qu'il y a, mon pauvre vieux ?» demanda le commandant Michel. Zinzin fit signe qu'il ne pouvait encore parler. Enfin, il se passa la main sur le front et dit « Je sors de chez le commissaire de police. Il vient de m'arriver une histoire épouvantable. Raconte-la, pendant qu'elle est encore toute neuve. « Ça nous changera, » fit Gobert. « Oh, elle ne date pas d'hier, » fit entendre Zinzin avec un ricanement sinistre. « Elle te produit encore tant d'effets aujourd'hui ?»« Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, » répliqua l'autre de plus en plus lugubre. « C'est une affaire à laquelle j'ai été mêlé tout jeune et qui a bien failli me faire taire pour toujours avec un petit jardin sur la tête. » Parole de Zinzin. « Si je ne bouffe pas 7 heures du pissenlit par la racine, c'est pas la faute de cette damnée histoire de mariage qui a fait bien du raffut dans son temps, puisqu'on est allé jusqu'en cour d'assises. L'histoire de mariage laissa tomber ce bougre de Chanlieu. Ça n'est pas ça qui manque. Moi, j'en connais 10. Moi, je n'en connais qu'une, reprit Zinzin dans une sorte de gémissement. Mais à elle seule, je peux vous dire d'avance qu'elle est plus épouvantable que les 10 de Chanlieu réunis. Là-dessus, il soupira encore effroyablement. Ralluma sa pipe et cracha. Je ne vous ai jamais rien dit parce qu'elle dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, il faut que je parle, nom de Dieu, nom de Dieu. Bien quoi, Zinzin ? Ce qu'elle est épouvantable, cette histoire, râla Zinzin. Voir, fut Chanlieu. Zinzin lui jeta un regard d'assassin. Je peux vous dire que je n'ai été amoureux qu'une fois dans ma vie. Et c'est cette fois-là. Si ça ne s'est plus rencontré depuis, c'est que je n'ai plus rencontré une fille pareille. Elle s'appelait Olympe, et nous étions bien une douzaine à vouloir l'épouser. Voilà les blagues qui commencent, ricana Chanlieu. 12 que je dis. Nous les compterons tout à l'heure. Et encore, je ne parle que de ceux qui se sont déclarés, car il n'y avait pas un homme dans le département qui en eût envie. Elle n'était point riche, mais elle était de bonne famille. Quant à la beauté... Ah, mes enfants, À l'époque dont je vous parle, elle avait juste 15 ans et 6 mois. Elle était un pays qui était renommé pour ses belles filles. Un gros bourg bien plaisant, où l'on venait du chef-lieu rien que pour voir les jeunesses sortir le dimanche de l'église. Eh bien, il n'avait pas une digne de lui dénouer les cordons de sa chaussure. C'était quelque chose. Tenez, si vous êtes allé à Cagnes, vous avez peut-être vu des portraits de jeunes filles de Renoir. Ces portraits, c'est des choses qui n'existent pas. C'est peint avec des fleurs et la lumière du jour. Eh bien, voilà d'autres lampes. Un rayon de soleil et des pétales de rose. Un rêve, mais un rêve qui avait des yeux et une bouche. D'immenses yeux d'enfant, d'une pureté surnaturelle, et une bouche de femme. Cela seul était de la chair et du sang, cette bouche. Notre Olympe, un ange descendu sur la terre pour donner des baisers. Nous étions tous fous, je vous dis. Elle n'avait plus que sa grand-mère qui l'adorait et qui l'avait fait sortir de pension à la mort de ses parents, la confiant à une vieille bonne, la Palmyre, qui faisait ses quatre volontés. Elle était restée très enfant, jouant souvent avec les gamins de la campagne, revenant de la forêt avec des chargements de fleurs sauvages, des bannettes pleines de fraises et des bois, courant avec les chiens de berger derrière les troupeaux, quand ça se rencontrait, et scandalisant plus d'une fois les dévotes en rentrant, le soir, à califourchon sur un bouc. Après dîner, dans la belle saison, les vieilles, sur leur banc, devant leur porte, l'attendaient pour écouter des histoires extraordinaires qu'elle inventait avec une imagination inépuisable. La grand-mère qui avait été dans son temps la belle Madame Gracia habitait une grande vieille maison sur la place de l'abbaye, avec grille et parc donnant par derrière, sur la campagne. Elle recevait toute la bonne compagnie des environs et avait conservé des relations avec la ville. Les manières de sa petite-fille, qui l'avait tant amusée, commençait à la faire réfléchir. Elle trouvait Olympe bien inconsciente pour son âge. Qu'adviendrait-il quand elle ne serait plus là? Elle résolut soudain de la marier, le plus tôt possible. Elle avait déjà reçu quelques offres. Quand on sut qu'elle ne les repoussait plus, il y en vint de toutes parts. Ce fut un nouveau jouet pour Olympe que cet afflux d'amoureux. Enfin, un dimanche après-midi, dans le salon où nous étions tous réunis, la grand-mère commença par faire un petit discours à l'adresse d'Olympe. Notre Olympe, comme nous l'appelions tous à la manière de la bonne Palmyre, qui ne jurait que par elle, elle lui dit qu'elle se sentait bien fatiguée, bien lasse, et qu'elle voudrait la voir établie avant de mourir. Là-dessus, Olympe se mit à pleurer. « Ah, mais je ne suis pas encore mort !» s'écria la vieille dame. « Je l'espère bien, grand-maman !» répliqua Olympe en séchant ses larmes. « Mais ça n'est pas pour ça que je pleure. Si vous croyez que c'est gai de se marier, alors tout le monde éclata de rire. Nous jurâmes tous que son mari serait très heureux de se laisser mener par le bout du nez. « D'abord, je ne veux pas me séparer de grand-mère, » fit-elle, « ni de Palmyre. Et puis, je veux rester dans notre vieille maison. »« C'est entendu, » reprîmes-nous en chœur. « Et maintenant, » fit la bonne Madame Gracien, « qui choisis-tu ?» « Ah bien, nous en reparlerons, » dit Olympe. « En voilà une façon de marier les gens. Tu n'es vraiment pas sérieuse, grand-maman. Voilà 6 mois que tu me dis qu'on en reparlera. Enfin, voyons, on s'amuse. Et tu sais que j'ai toujours fait ce que tu as voulu. S'il te fallait choisir parmi ces messieurs qui sont là, qui prendrais-tu ?» Tout à coup, Olympe devint sérieuse et le regarda. Je vous prie de croire que malgré notre air de prendre la chose comme une plaisanterie, nous n'en menions pas large. Elle se leva, passa devant chacun de nous, nous troisa des pieds à la tête, et avec des mines si drôles que nous ne laissions pas d'en être un peu gênés. Je vivrai 1000 ans que je me rappellerai toujours la scène. Quel examen ! À la vérité, nous n'en respirions plus. Elle nous fit lever, nous aligna sur un rang, nous plaça, nous déplaça, donnant à celui-ci le numéro 1, puis après l'avoir regardé bien dans les yeux, le rejetant numéro 3 ou 4. Pendant ce temps-là, la grand-mère nous encourageait. « Tenez-vous bien, messieurs, tenez-vous bien, soyez sérieux. » Quand on songe qu'il n'y avait pas là que des jeunes gens, je me rappelle l'entrée du receveur de l'enregistrement, M. Pacifer, qui depuis 2 ans avait posé sa candidature au-dessus de tout le monde. Il ne savait pas naturellement de quoi il s'agissait. Elle alla le chercher à la porte et le planta, ahuri, au bout du rang. Il avait le dernier numéro. Vous pensez si nous partîmes à rire? Mais lui, quand il fut au courant, ne riez pas, je vous assure. Enfin, déclara, c'est fait. Si je me mariais, je prendrais d'abord Monsieur Delphin, puis Monsieur Hubert, puis Monsieur Sabin, puis mon petit Zinzin. Comme vous voyez, j'avais le numéro 4. Puis Monsieur Jacobini. Enfin, nous nommâmes tous les 12. Du reste, je vais compter. Nous disons donc premier, Monsieur Delphin. Un très gentil garçon, de grand avenir, le fils du pharmacien, licencié à sciences, qui travaillait son agrégation de chimie, et dont on disait le plus grand bien à la faculté. Deuxième, Monsieur Hubert, encore jeune, dans les 35 ans, garde général des forêts. Troisième, le docteur Félix Sabin, frais sorti de l'école et gai comme un pinson. Je crois qu'il s'était établi dans le pays dans le dessein de faire de la politique. Quatrième, votre serviteur, qui avait commencé à naviguer, mais qui aurait renoncé à tout pour rester avec Olympe. Cinquième, le lieutenant Jacobini, fils d'un colonel de gendarmerie, un garçon très distingué, très chic, et qui revenait de mission en Afrique équatoriale, où il avait fait quelque peu parler de lui. Sixième, le fils d'un gros propriétaire, belle fortune. Septième, un jeune avocat. Huitième, un fils d'avoué. Neuvième, un vieux notaire. Dixième, un voyageur de commerce. Onzième, le substitut du procureur de la République. Douzième, Monsieur Passifère, le receveur de l'enregistrement. Oui, c'est bien cela, 12. Nous n'étions que 12 ce jour-là. 6 mois plus tard, notre Olympe se mariait avec le numéro 1, le jeune Delphin. Nous étions tous de noces, mais nous ne nous amusions pas tous. Ah non, je puis le dire. J'essayais bien de me faire une raison, mais je ne sais pas ce que j'aurais donné pour être à la place de Delphin. Cependant, l'année suivante, je ne l'enviais plus. Il était mort. On ne savait pas exactement de quoi. On racontait qu'il s'était empoisonné dans des expériences de laboratoire. Mais on n'était sûr de rien. Le médecin qui l'avait soigné, le docteur Sabin, hochait la tête quand on l'interrogeait. Je crois bien qu'il ne pensait au fond qu'à une chose, lui, c'est que du coup, il passait au numéro 2. Et que s'il arrivait un jour quelque accident au garde général des forêts, qui le possédait, il pourrait espérer encore dans sa chance. Car ce qui paraissait impossible depuis son mariage, Olympe était devenue encore plus jolie. Maintenant, quand elle passait dans ses voiles de deuil, c'était à se mettre à genoux devant elle. Elle ne pleura pas très longtemps, son premier mari. S'il fallait en croire les demi-confidences de Palmyre, M. Delphin n'était pas d'une gaieté folle, et pour une jeune mariée, passait trop de temps dans son laboratoire. Pas ma fille, une jeunesse comme madame, qu'il laissait des journées entières pour chercher on ne sait quoi au fond de ses alambics. Le tour de M. Hubert, le garde général des forêts, devait fatalement arriver. Il ne tarda guère et lui-même y mit bon ordre en promettant à Olympe toutes les distractions qui lui avaient manqué lors de son premier mariage. C'était un gaillard que cet Hubert, grand mangeur, bon buveur et chasseur comme il convient à un homme de sa situation et qui porte nom pareil. Il y eut de belles fêtes sur Olympe, de grandes ripailles. Elle s'était mise à monter à cheval et il n'y avait pas plus fière amazone à 10 lieues à la ronde. Il fallait voir comme elle courait le cerf et le sanglier. Rien ne lui faisait peur. Nous avions peine à la suivre et au retour, elle présidait les agapes avec un entrain qui nous donnait la fièvre à tous. On lui faisait la cour plus que jamais, mais elle se moquait généralement de nous, réservant ses plus beaux sourires pour le plus gai de la bande, le docteur Sabin. « Ça lui est dû, » déclarait-elle en riant. « C'est lui qui a le numéro 3. À chacun son tour. »« Et là, » intervenait Hubert, « je ne me suis jamais si bien porté. »« Et c'est moi qui le soigne, » répartait le docteur. « C'est le seul qu'il ne me soit pas permis de tuer. »« Remerciez la Providence, Hubert, qui me défend de choisir mes victimes. » Tout cela était fort plaisant, mais pour mon compte, je trouvais que le docteur Sabin profitait trop de sa situation exceptionnelle dans la maison pour en prendre à son aise avec Olympe. On les voyait souvent se promener tout seuls dans le parc, ou même faire une petite promenade en forêt, quand Hubert, appelé par les devoirs de sa charge, ou par quelque réjouissance synergétique que s'offraient ces messieurs en garçons dans quelques villes des environs, délaissait notre Olympe. Dans le bourg, on ne parlait plus que d'elle. Elle scandalisait de plus en plus les habitués d'été de 5 heures, chez Madame Tabureau, la femme du maire, ou chez Madame Blanc-Mougin, la femme de l'avoué, dont le fils n'avait obtenu que le numéro 8 dans le classement général, ce dont Madame Blanc-Mougin ne cessait de se féliciter. Au fait, depuis la mort de la vieille Madame Gratien, survenue entre-temps, Olympe ne mettait plus guère de limite à ses fantaisies, et surtout, elle effrayait bien des gens par la liberté de ses propos. Hubert n'avait garde de la contrarier, amusé, flatté de voir tant de convoitises allumées par ses beaux yeux bleus, toujours aussi candides, et par cette bouche éclatante qui semblait toujours demander un baiser. C'était un bon vivant que cet Hubert, mais ce n'était pas un véritable amoureux. « Denis, ma fille !» glissait en douce la palmire à ceux qui avaient intérêt à ne rien ignorer de ce qui se passait dans le ménage. « Il aime plus la table que son lit, bien sûr. Si madame n'était point si honnête, ça pourrait bien lui jouer un méchant tour. » Et se disant, elle hochait la tête en regardant rentrer Olympe et le docteur Sabin, lequel apprenait dans le moment à madame Hubert à conduire l'auto avec laquelle il faisait ses visites. Là-dessus, on commença à jaser ferme, quand un malheur nouveau vint frapper la maison de la place de l'Abbaye. Hubert avait transformé en une espèce de pavillon pour chasseurs l'ancien laboratoire que le chimiste Delphin s'était installé dans un bâtiment isolé du fond du parc. Il avait réuni là tout son attirail, ses fusils, ses couteaux, ses carabines, ses pistolets, et y avait installé sa cartoucherie. On eût dit une véritable petite armurerie si les murs n'avaient été décorés des trophées ordinaires à un disciple du saint dont il portait le nom. C'était du reste une petite bâtisse fort plaisante à l'œil, tout habillée de plantes et de fleurs grimpantes, d'où l'on l'avait vue sur les champs et où, plus d'une fois, dans la belle saison, pour pouvoir rire plus librement avec ses camarades ou avec sa femme, loin des oreilles domestiques, il se faisait apporter un déjeuner tout servi par la palmière. C'est là qu'Hubert fut trouvé, un après-midi d'août, vers 2 heures, un pistolet encore dans la main, le cœur troué d'une balle. Suicide ou accident? Certains même prononcèrent le mot « crime », mais si bas qu'on ne les entendit point. Vous pensez le bruit qui se fit autour de l'affaire. Une enquête fut ouverte. Le substitut du procureur de la République, qui avait le numéro 11, la dirigea. Ce fut le docteur Sabin, lequel avait le numéro 3, qui fut appelé à faire les premières constatations avant l'expertise médicale. Il conclut à un accident. L'enquête hésita longtemps entre l'accident et le suicide. Finalement, elle conclut elle aussi à l'accident. « Néné, ma fille !» soupirait la palmire quand on la pressait tant soit peu pour savoir ce qu'avait dit madame. « Qu'en voulez-vous qu'elle dise, notre Olympe? Elle ne sait rien de rien, bien sûr. » Elle avait déjeuné dans le petit pavillon avec monsieur, et ils paraissaient bien gais tous les deux. Elle est sortie de là vers les 2h30, et elle est rentrée tout droit dans sa chambre pour s'habiller, car elle devait aller en ville avec le docteur Sabin. Là-dessus, vers 3h, le jardinier entend un coup de feu. Il court au pavillon, il y trouve monsieur, tout raide, mort. Vous en savez maintenant autant que nous. Pourquoi donc il se serait suicidé, cet homme? La vie était belle, et notre Olympe aussi. Il avait tout pour être heureux. Maintenant, notre Olympe pleure toutes les larmes de son corps. Ça n'est pas raisonnable. Un accident, personne n'en est responsable, pas? C'était à lui à être plus adroit. Ainsi parlait Palmyre. L'année suivante, notre Olympe épousait le docteur Sabin. Je m'y attendais, interrompit Chanlieu. Si ton ange aux yeux d'azur et à bouche de gouge doit s'offrir à tour de rôle ces 12 messieurs, nous n'en avons pas fini et ce n'est pas drôle, je t'en avertis. Je ne vous ai pas promis une histoire drôle. Je vous ai dit qu'il m'était arrivé une histoire épouvantable. Olympe ne s'est pas offert les 12, puisque j'en étais et que je suis encore vivant. et que j'avais le numéro 4. Tout de même, je parle d'un Chanlieu parce que ce qu'il a dit là, on commençait à se le répéter dans la région. Ils y passeront tous. Elle est bien de taille à ça. Pourquoi pas, si ça lui fait plaisir à notre Olympe, répliquait Palmyre quand elle surprenait quelques propos de ce genre. Et elle ajoutait, en grattant son menton galoche, « Ah, Robin, tort de se gêner, pour ce que veulent les hommes !» C'était terrible, ce qu'elle disait là, dans son inconscience de brute à servir, au besoin, tous les desseins de sa maîtresse. Certes, le docteur Sabin était brave d'entrer dans cette maison que semblait guetter le malheur. À quoi quelques bonnes vieilles, de celles qui sont particulièrement habiles à glisser leur petite malice entre une grimace et un sourire, répliquaient « Oh, celui-là, il ne y arrivera rien du tout. Il sait bien ce qu'il fait. » Je vous dis que l'on n'entendait plus que des choses terribles. Ce pauvre docteur, il ne savait pas tant que cela ce qu'il faisait, puisqu'il mourut, lui aussi, jour pour jour, après les noces. Et il avait duré moins longtemps que les autres. Bigre, siffla Gobert. Et voilà votre tour, fit le commandant Michel. On va commencer à rigoler, dit Chanlieu. Mais il cessèrent tout à fait de plaisanter. Ce pauvre Zaza était redevenu affreusement pâle, et sa main tremblait en reposant son verre sur la table. Il fixait d'un œil hagard un homme qui se dirigeait vers lui. « Tiens, fit le commandant, le chien du commissaire. » C'était lui, en effet. Il se pencha à l'oreille de Zaza et lui dit « Nous avons reçu une réponse au coup de téléphone. Elle est morte il y a 10 ans. Voilà bien tranquille. » Là-dessus, il s'en alla. Quant à Zaza, il avait basculé dans les bras du commandant et il fallut le ramener chez lui. Pourvu qu'il ne clame pas avant la fin de son histoire, émit gentiment Gobert. Chanlieu haussait les épaules. Bah, il soigne ses effets. Tout de même, nous n'en connûmes la suite que 8 jours plus tard. Zaza semblait s'être fait une raison, mais assurément, il avait été bien malade. Cette fois, on l'écouta sans l'interrompre. C'était donc mon tour, le tour du numéro 4. Je n'en savais encore rien. Je courais débordé dans la Baltique quand l'événement se produisit. Je ne l'appris qu'à mon retour à terre, en me jetant dans le train qui me ramenait au patelin, et de la bouche main du lieutenant Jacobini, qui, lui, avait le numéro 5, et rentrait également chez nous, après un long séjour en Cochinchine. Notre voyage ne fut pas gai, je l'avouerai tout de suite, en dépit de la certitude que j'avais de pouvoir désormais épouser Olympe et, malgré l'espoir que le lieutenant Jacobini pouvait nourrir de son côté, de consoler bientôt ma veuve, cette double perspective ne nous remplissait pas d'allégresse. La maison de la place de l'abbaye nous apparaissait moins maintenant comme un lieu de délices que comme un tombeau. La première chose que je demandai naturellement à Jacobini, quand il m'eut fait part de la sinistre nouvelle, ce fut de bien vouloir me donner quelques détails sur cette fin subite. Comment le docteur Sabin était-il mort ? Il me répondit d'un air assez lugubre, qu'il n'en savait fichtre rien, que personne n'en savait rien, mais qu'il désirait autant que quiconque, sinon plus, être fixé là-dessus, et que c'était la raison pour laquelle il avait hâté son retour. « Et vous ? » me demanda-t-il. « Oh, moi, fige, vous comprenez que je me montrerai au moins aussi curieux que vous. » « Oui, » me répondit-il, sans la moindre ironie. « Je comprends cela. C'est plus pressé. » Mais enfin, dis-je, on a bien donné un nom à cette mort, pas plus qu'à la mort du premier mari de nos Olympes. Pour Delphine, on a raconté vaguement qu'il était mort empoisonné par des expériences de laboratoire. Ça n'a jamais été démontré. En ce qui concerne le docteur Sabin, il ne pourrait être question de cela. Toutes ces morts, cependant, finissent par paraître bien étranges. Dites donc, Jacobini, le parquet ne s'en est pas ému? Si, notre substitut procureur de la République, notre numéro 11, a ordonné une enquête. Je dois dire du reste que notre Olympe a été la première à la demander. Il y a eu autopsie. Eh bien, rien. Mais ce rien ne prouve rien, ajouta-t-il sur un ton qui me frappa. Que voulez-vous dire? Avez-vous quelques soupçons? En pareille matière, répliqua Jacobini, il n'est pas permis d'avoir des soupçons. Il faut avoir des certitudes. Où l'on se tait. Et il se tut. Mais tout ceci n'était point fait pour apaiser mon inquiétude. Enfin, est-il mort dans son lit? Était-il malade? Non, on l'a trouvé vers les 5 heures de l'après-midi, dans sa chambre, étendu tout de son long, près d'une table et d'une chaise renversée, la bouche encore écumante, le visage ravagé comme par une vision d'horreur. Il a été prouvé qu'il était resté seul dans cette pièce depuis 3 heures et que le château était, cet après-midi-là, complètement désert, les domestiques s'étant rendus à une foire voisine. Et Madame Sabin, elle avait déjeuné avec lui dans le petit pavillon du fond du parc et était restée, après le déjeuner, à faire de la dentelle avec la palmyre. Enfin, à quoi a-t-on conclu ? À une attaque d'épilepsie. Le docteur Sabin serait tombé du haut mal. Et était-il sujet ? Non, mais ce n'est pas toujours une raison, paraît-il. Là-dessus, nous gardâmes longtemps le silence. Puis je poussai un soupir. Il faut plaindre sincèrement Olympe, fis-je. Sans cela, mais cela serait trop épouvantable. Oui, fit-il après réflexion. C'est vous qui avez raison. Ce serait trop épouvantable. Faut la plaindre. Du reste, Palmyre raconte qu'elle est tout à fait accablée. On ne la voit plus. Elle ne dort plus. Elle veut s'enfermer dans un couvent. Toujours d'après les nouvelles que j'ai reçues de là-bas. Il est assez naturel qu'après ses 3 premières expériences, elle en ait assez du mariage. Et je vous en félicite, termina-t-il en ricanant d'une façon assez singulière. Il ajouta aussitôt, car c'était un garçon qui avait reçu la meilleure éducation. Je ne vous ai pas fait de peine, moi. 1 heure plus tard, nous étions arrivés. Nous n'avions prévu personne, il était déjà tard dans la nuit, nous avions décidé de descendre directement à l'hôtel de Bourgogne. Je fus très étonné de trouver sur le quai ce fils d'avoué, qui lui aussi avait posé sa candidature et qui avait obtenu le numéro 8. Je me rappelle maintenant son nom. Il s'appelait Juste. On ne pouvait rien dire de lui, sinon que c'était un garçon parfaitement honorable et que le docteur Sabin l'avait soigné plusieurs fois pour des rhumatismes articulaires. « Je savais que vous étiez débarqué, me dit-il, et que vous arriveriez par ce train. Où descendez-vous ?»« À l'hôtel de Bourgogne, avec le lieutenant Jacobini. » Juste était tellement occupé de moi qu'il n'avait pas aperçu mon compagnon. Il lui serra la main. « Je vous accompagne, dit-il. » J'étais de plus en plus intrigué. À l'hôtel, il me suivit dans ma chambre et me remit un pli dont il me demanda un reçu. C'est un pli que l'on a confié à mon honneur avec mission de vous le remettre en main propre. J'examinai rapidement l'enveloppe cachetée et je reconnus tout de suite l'écriture. On y avait inscrit mon nom avec cette mention pour remettre après ma mort. Le docteur Sabin, fis-je dans un souffle. Oui, répondit l'autre, j'ai rempli ma mission. Je n'en dois compte qu'à lui. Seulement, comme je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre et que je ne soupçonne même pas ce qui peut en arriver, je désire un reçu pour me mettre à couvert. Je lui donnai son reçu. En vous donnant cette lettre, fis-je, le docteur Sabin ne vous a pas fait quelque communication particulière ? Aucune, répliqua-t-il. Il ne m'a rien dit. Absolument rien. Là-dessus, il me serra la main et me quitta avec une certaine hâte, du reste. Il paraissait soulagé d'un grand poids. Je décachetai le pli, fébrile. 10 minutes plus tard, on frappait à la porte de Jacobini, qui allait se mettre au lit. Il demanda « Qui est là ?» Comme on ne lui répondait pas, il alla ouvrir sa porte, très impatienté. Un spectre entra chez lui, une lettre ouverte à la main. Ce spectre, c'était moi. Je n'avais pas la force de prononcer une parole. Il me fit asseoir, me prit la lettre que je lui tendais, alla pousser le verrou et lut. Je le verrai toujours penché sous la lampe. L'effet que lui produisit cette lecture n'avait rien à faire avec l'espèce d'anéantissement où j'étais plongé. Au contraire, chez lui, tout semblait se resserrer, quand chez moi, il y avait une parfaite décomposition de la volonté. Son front se faisait plus bombé, ses sourcils plus saillants, son menton plus volontaire. Une flamme menaçante, comme le reflet glacé d'une épée, accompagnait le regard qui glissait sur ce fatal document où avait tremblé la main d'un homme qui se savait condamné à mort. Voici ce que disait le docteur Sabin. La lettre est depuis longtemps aux archives du parquet de X. Mais en voici la copie. « Mon cher Zinzin, avant de te marier avec Olympe, j'ai voulu que tu lises ceci. C'est un homme qui va mourir qui t'écrit. Je souffre toutes les douleurs de l'enfer. J'ai été atrocement empoisonné. Personne n'en sait rien, que là où les coupables et moi. Je n'ai fait entendre aucune plainte, car je n'ai que ce que je mérite. Grâce à de puissants anesthésiants, j'ai réussi, par instant, à supporter le mal qui me ronge et à montrer à quelques-uns une figure humaine. Ainsi ai-je pu joindre notre ami, Juste, à qui je n'ai rien dit, à qui tu ne diras rien, à moins que lui aussi veuille encore épouser Olympe. Alors tu lui montreras cette lettre, mais j'espère que tout en restera là, et qu'après ma mort, il ne se trouvera plus personne pour prendre ma place, notre place, celle des trois hommes qui ont franchi le seuil de cette maison, plein de santé et de vie, et qui auront disparu en portant avec eux l'origine de leur triple malheur. Autant que possible, pas de scandale autour d'Olympe. Je l'aime peut-être encore. Pas de scandale, à moins que ça ne soit absolument nécessaire. Et puis, je ne suis tout à fait sûr de rien. En pareil cas, il faut l'aveu de la coupable, et je ne l'ai pas. Enfin, je pourrais peut-être l'accuser, avec toutes les tristes chances, hélas, de ne point me tromper. Mais moi, je n'en ai pas le droit. Et je vais te dire pourquoi. Tu sais qu'après la mort de son second mari, j'ai conclu qu'Hubert s'était tué par accident. On hésitait encore entre l'accident et le suicide. Hubert n'est pas mort d'accident. Hubert ne s'est pas suicidé. Hubert est mort assassiné. Et je l'ai su tout de suite, au premier coup d'œil, sur le cadavre et sur la place qu'occupait le pistolet dans la main. L'arme avait été placée dans la main après la mort. Je n'entrerai point dans les détails. J'aurais pu démontrer cela d'une façon péremptoire. J'avais été appelé auprès d'Hubert aussitôt après le drame, comme on appelle en telle occurrence l'homme de l'art qui, seul, pourrait peut-être encore accomplir un miracle. Mais tout était fini. Il y avait auprès du cadavre une femme en larmes. Avant de regarder la femme, j'avais vu le pistolet, et j'étais déjà fixé. Alors je regardais la femme. Tu as peut-être soupçonné des liens sentimentaux qui nous unissaient déjà. Olympe, du reste, ne s'en cachait guère, et je lui avais fait plus d'une fois des observations à cet égard. Je crus voir ses yeux vaciller, fuir les miens, après m'avoir laissé l'impression d'une ardente et muette supplication. Encore aujourd'hui, je suis persuadé que je ne suis point trompé. Je frémis d'horreur. Cette femme avait tué Hubert pour être à moi. C'était épouvantable, mais je l'adorais. Non seulement je ne la dénonçais point, mais sans qu'elle y prît garde, et par pitié pour elle, je fis glisser le pistolet à l'endroit normal qu'il eût dû occuper. Je facilitais d'avance la besogne des experts. Tu vois, mon petit Zazin, je ne te cache rien. Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai point le droit d'accuser cette femme. Ma lâcheté m'a fait son complice. Je crois que nous nous sommes aimés comme des damnés qui cherchent dans l'embrasement de l'amour l'oubli de tous les paradis perdus. Entre nous, il n'était jamais question d'Hubert, pas plus du reste que de Delphin. On le dit, Colimpe n'avait jamais connu ces deux hommes. Mais moi, j'eus la curiosité de savoir comment Delphin était mort. Et je commençais une enquête prudente et sournoise dont on dut s'apercevoir. Je crois bien que c'est de ce jour-là que ma mort fut décidée. Certains propos contradictoires de Palmyre au sujet des expériences de Delphin et des conditions assez mystérieuses de sa fin me conduisirent sur un chemin au bout duquel je trouvais la quasi-certitude de l'empoisonnement de Delphin par sa femme avec la complicité de Palmyre. Je n'avais encore rien dit à Olympe qui ne paraissait se douter de rien. Je m'attachais à dissimuler autant que possible ce que je ne voulais considérer encore que comme d'affreux soupçons. Mais un jour, je me sentis touché. Une fièvre intense, un malaise inconnu, de sourdes douleurs m'avertirent que, moi aussi, je venais d'être empoisonné. Je ne dis rien encore, car je voulais savoir. Savoir. Et je crus faire le nécessaire pour me libérer à temps de la drogue qui déjà me travaillait aux sources mêmes de la vie et qui ne me lâcha point. Comment s'y prenait-on ? Pour être sûr que c'était elle, je n'acceptais à boire que de sa main. Et nous buvions dans le même verre. Oui, mais nous ne mangeons pas dans la même assiette. Ah, horreur ! Voilà où j'en suis aujourd'hui, où je t'écris cette lettre redoutable. Je sors d'une crise que je lui ai encore cachée. L'ignore-t-elle ? S'en réjouit-elle ? Seigneur Dieu ! J'ai pourtant changé de visage depuis quelques semaines. Et plusieurs fois, je l'ai repoussée de mes bras. Et elle semble s'apercevoir de rien. Ah, le monstre ! Les deux monstres ! car je viens d'apercevoir la palmyre qui m'épie, et je les retrouve trop souvent ensemble. Tout de même, Olympe m'a dit hier, c'est drôle comme les hommes changent après quelques semaines de mariage. Au bout de quelque temps, on ne les reconnaît plus. Ils ne sont plus intéressants. Mon petit Zinzin, tu vas voir la lettre, et moi, je vais lui parler. Je ne lui apprendrai rien du reste. Elle doit se douter maintenant que je n'ignore plus de quelles mains sont morts ses deux premiers maris. Mais il faut que je lui dise aussi que je sais qu'elle assassine le troisième et qu'il faudra qu'elle s'en tienne là désormais. Ah, notre Olympe, notre Olympe. Si tu savais, Zinzin, tu me comprendrais, tu me pardonnerais. Et puis, après tout, elle est peut-être pas coupable, cette femme. C'est peut-être pas lui qui fait tout toute seule. Ah, mon Dieu, si cela pouvait être vrai. Voilà une idée qui me vient bien tard. Bien tard. Songe-y, Zinzin. Moi, je ne peux plus songer à rien. Je ne pense plus. Je n'existe plus. Je souffre trop. Ah, je ne voudrais pas mourir pourtant avant de savoir. Si elle pouvait m'apprendre que c'est Palmyre qui a fait tout toute seule. Je l'aime encore, Zinzin. Après cette dernière ligne que l'on n'avait pas à lire, tant les caractères en étaient heurtés et désordonnés, venait une signature où semblaient s'être acharnées les forces suprêmes d'un être auquel la vie s'échappe. Ce n'était point cependant ce jour-là que le docteur Sabin était mort. Sans doute, par quelques curieuses médications, avait-il pu suspendre le destin? Nous savons que ce n'est qu'après le déjeuner du lendemain que le malheureux était allé mourir dans sa chambre solitaire. Cette copie que je viens de vous lire, continua Zinzin, je l'ai tracée la nuit même que l'original me fut remis. Cet original, le lieutenant Jacobini, le réclamait. Il en avait le droit. Il prenait ma place, que je lui laissais, non sans lui avoir fait entendre tout ce que je pouvais lui dire, tout ce que vous lui auriez dit vous-même en cette horrible occurrence. Mais je dis tout de suite qu'il n'y avait rien à faire et que son parti était pris. Certes, il n'était plus question de notre amour pour Olympe. Il venait de faire un vœu, celui de lui faire avouer, lui faire crier son forfait. Et alors, on verrait. Il ne me disait pas ce que l'on verrait, mais on était suffisamment renseigné sur l'intérêt du programme, rien qu'en rencontrant son regard qui brûlait d'un feu terrible. Le docteur Sabin, me dit-il, n'a eu que ce qu'il méritait, et je ne le plains pas. Mais ce pauvre Hubert, qui était mon camarade, et Delphin, et que j'ai toujours aimé comme un frère plus jeune, et qui est peut-être mort par ma faute à moi, Jacobini, je me charge de les venger. Il était décidé pour cela à se marier avec Olympe. Et si elle ne veut plus se marier, lui dis-je, il ricana affreusement. Une femme comme elle ne refuse pas un homme comme moi. Il disait vrai. Olympe se maria avec le numéro 5. Je fus le premier témoin de Jacobini. Il y tenait. Pendant la cérémonie, je le regardais, debout au pied de l'autel, les bras croisés, à côté de sa femme à genoux. Il paraissait déjà la statue de la vengeance. Olympe n'était plus notre Olympe. Sa beauté avait maintenant quelque chose de funèbre et semblait déjà ployée sous la main de la mort comme ces figures de marbre que l'on voit prier sur les tombeaux. Je pensais ce jour-là la voir pour la dernière fois, car le lendemain, je reprenais la mer. À chaque escale, je me jetais sur les journaux. J'ouvrais fébrilement mes dépêches, je décachetais en tremblant mon courrier. Rien ne parvenait jusqu'à moi de la hideuse tragédie qui devait se dérouler là-bas pendant mon absence. Quand, 3 mois plus tard, je revins au pays, ma première question, vous la devinez. Il n'y a rien changé ici? Mon Dieu, non. Et le ménage Jacobini? Eh bien, il va bien, le ménage Jacobini. Le lendemain, Jacobini va me trouver. Il savait que j'étais de retour. Il avait eu de mine des plus prospères, il avait fait prolonger son congé, puisqu'Olympe s'obstinait à rester dans la maison qu'il abhorrait, lui. « Au fond, je ne saurais lui donner tort, » expliquait-il. « Elle prétend que si elle quittait le pays et cette vieille demeure où elle a passé une si heureuse jeunesse, elle semblerait donner raison à ceux qui prétendent qu'elle est bien pour quelque chose dans la mort de ses 3 premiers maris. » Je regardai Jacobini, il ne baissa pas les yeux. « Zinzin, » me dit-il. « Je comprends ton étonnement, mais on ne saurait soupçonner Olympe. C'est la plus honnête des femmes. Tant mieux, fit une voix profondément altérée. Tant mieux, et n'en parlons plus. Zinzin, Jacobini, je suis venu pour vous en parler, moi. Et vous n'avez pas le droit de ne pas m'entendre. Zinzin, la première chose que j'ai faite en rentrant au domicile conjugal au sortir de l'église a été de lui montrer la lettre du docteur Sabin. Olympe pleurait, mais ne parut nullement étonnée. Je me doutais de tout cela, me dit-elle. Tout le monde me prend pour un monstre. Je me demande pourquoi vous avez voulu m'épouser. Je vous répondrai à cela tout à l'heure, lui dis-je, mais nous n'en sommes encore qu'à la lettre du docteur Sabin. Que voulez-vous que je vous dise ? Continua-t-elle d'une bouche amère. Je ne suis pas plus coupable de la mort d'Hubert, dont on m'accuse formellement, que de celle de mon premier mari. Sabin m'aimait comme un fou. Et il y avait des moments où son amour ressemblait singulièrement à la haine. Il lui échappait des phrases qui peu à peu m'éclairèrent sur son horrible arrière-pensée. D'autre part, il se livrait à une enquête abominable. Il interrogeait Palmyre, qui me répétait tout. Je m'employais à le calmer. Surtout, je ne voulais pas de scandale. Je me disais que cet affreux état d'esprit se dissiperait à la longue, et que, comme je n'avais rien à cacher, il finirait par comprendre que nous étions tous victimes d'une épouvantable fatalité. Tout à coup, il s'est cru empoisonné. Cela, il ne me l'a pas dit tout d'abord. Je me gardais de mon côté de prononcer le mot de poison pour que rien de définitif ne se passât entre nous. Je ne voulais pas être obligé de le chasser ou de faire appel à la justice. Mais comme il continuait de souffrir, je lui conseillais de consulter des confrères, de se remettre entre leurs mains. Et il n'en fit rien. Le jour de sa mort, il était sous l'influence d'une drogue à haute dose qui le faisait divaguer. Il avait tenu à paraître au repas. Comme je connaissais sa pensée depuis longtemps, je m'attachais à ne boire que ce qu'il buvait et à partager sa nourriture. Au dessert, il se jeta à mes pieds en me demandant pardon de m'avoir soupçonné. Il savait maintenant qu'il était empoisonné tous les jours par cette hideuse Palmyre, et il me supplia de chercher avec moi à la confondre. Comme je la défendais, naturellement, il me quitta brusquement et alla s'enfermer dans sa chambre. Vous savez le reste. C'est moi qui ai demandé l'autopsie. Le lieutenant Jacobini s'était arrêté. C'est moi qui ai repris. Et cela vous a convaincu ? Non, fit-il, si Olympe s'attendait à quelque chose dans le genre de la lettre du docteur Sabin, je m'attendais, moi, à quelque explication comme celle qu'elle venait de me fournir, arrosée de quelques larmes. C'est alors que, brusquement, je lui jetai à la face. « Et le Talitali ? Qu'en avez-vous fait ?» Nota bene, le Talitali dont parle ici le lieutenant Jacobini est certainement le proche parent de celui dont les effets atroces sont dépeints dans l'œuvre de Monsieur Entrée de Maison. On lit dans Dinto un homme tourner lentement autour de la marmite où bouillaient les feuilles, l'écorce et les racines de l'arbre sacré. À son nom, les enfants prenaient peur et la raison abandonnait les adultes. Mais le sorcier qui versait maintenant le riz dans le terrible bouillon avait déclaré que seul le poison pourrait discerner ceux qui suçaient la moelle des os de leurs semblables. Et voici la peinture des éprouvés. Les malheureux ne tardèrent pas à se rouler à terre en poussant des rauques et atroces cris de douleur. Ils tournaient sur eux-mêmes, le corps ramassé en boule, comme des perdrix blessés par le plomb du chasseur ou des canards égorgés, achevant de perdre la vie avec leur sang. Le Talitali dont parle le lieutenant Jacobini produit des effets foudroyants s'il est absorbé à haute dose. L'empoisonnement peut être lent dans les autres cas. Quelquefois, il ne se déclare dans toute sa force que 24 heures après l'absorption. La victime, comme il était arrivé pour le docteur Sabin, semble succomber à une crise d'épilepsie. Enfin, elle tressaillit et devint d'une pâleur mortelle. « Oh, gémit-elle, vous croyez que je l'ai empoisonné avec le Talitali ?» Je lui pris son poignet et je crus étreindre une main de marbre. « Écoutez, Olympe, Hubert est mort d'un accident, je vous l'accorde, et cela m'indiffère complètement. Mais Dalsin était mon ami. Dalsin est mort de la même mort que le docteur Sabin, empoisonné tous deux par le Talitali qui ne laisse pas de traces. C'est moi qui ai donné ce poison à Dalsin pour qu'il le soumît à l'analyse chimique et qu'il en trouva l'antidote si possible. Je vous demande ce qu'est devenu Thalitanie, que j'avais donné à Delphin à mon retour de l'Afrique occidentale. C'est un poison terrible qui ne pardonne pas et que les sorciers donnent là-bas aux malheureux qui sont soupçonnés d'avoir attiré sur le village les mauvais esprits de la forêt. On ne saurait compter ses victimes. Je suis responsable, moi, de celle qu'il a faite en France. Qu'avez-vous fait du Thalitanie, Olympe ? Olympe releva sur moi son regard glacé. Elle me dit « Il n'y a plus de Thalitanie. » « Depuis quand ? » lui demandai-je brutalement en essayant de dominer sa pensée rebelle qui nettement se séparait de moi. « Depuis que Delphin l'a détruit sur ma prière. C'est un cadeau, monsieur, que vous auriez bien dû ne jamais lui faire. » « Non point qu'il en soit mort, je ne le crois pas. Mais s'il ne me tue pas, moi, ce ne sera point de votre faute. » C'était une chose, n'est-ce pas, qui était enfermée dans le ventre d'un fétiche d'acajou couvert de signes bizarres et curieusement travaillé à la pointe de feu. C'est cela même, Olympe. Il n'y a aucune erreur possible. Vous connaissez bien le Thalitanie. Oui, Delphin faisait avec ce poison et avec les écorces de l'arbre que vous lui aviez apportées des expériences qui m'intéressaient au même degré du reste que beaucoup d'autres. Au début, ces alambics m'amusaient. Et puis, on se lasse de tout. Mais je m'aperçus bientôt que Delphin était souffrant, et j'attribuais sa langueur à l'atmosphère viciée du laboratoire. Je le suppliai de suspendre pendant quelque temps ses expériences. Il n'en fit rien. Je lui demandai de me faire ce plaisir, au moins de me sacrifier le Thalitanie. Il me dit qu'il n'en avait plus rien à craindre, et du reste que le Thalitanie n'était mortel que pour ceux qui en buvaient. Or, il n'était pas assez fou pour goûter à cette liqueur dont il avait expérimenté les effets sur une poule et un lapin. Il s'amusait de ma pusillanimité, mais je ne lui laissais de repos que lorsqu'il eut détruit le Thalitanie, ce qui lui arriva un soir devant Palmyre, devant moi. De guerre lasse, il jeta le fétiche et le poison qu'il contenait dans le feu, et tout fut consumé en un instant. Comment se comporta le poison dans le feu ? Il y eut d'abord une longue flamme verte, comme une fusée, et puis une vapeur suffocante, que nous fuîmes du reste. Quant au fétiche lui-même, ce n'était plus qu'une braise qui jetait une dernière grimace avant de tomber en cendres. C'est fini, monsieur, je n'ai plus rien à vous apprendre, mais si c'est pour que je vous dise cela, que vous avez voulu faire de moi votre femme, vous auriez pu vous en dispenser. Je vous aurais renseigné sans cela, monsieur. Et peut-être vous aurez aimé ensuite. Maintenant, tout est fini entre nous. Je vous prie de faire en sorte que je ne vous retrouve plus jamais devant moi. » Comme Jacobini arrivait à ce point de son récit, s'est tu et roulé une cigarette. Et alors, je l'ai quitté pour aller interroger Palmyre. Je la poussai, elle aussi, sur l'affaire du Thalitanie. Je la retournai de toutes les façons. C'est une ignorance, cette fille. Elle ne pouvait inventer les effets chimiques auxquels elle avait assisté. Tous ces dires coïncidaient absolument avec ceux d'Olympe. Je lui posais des questions qu'Olympe ne pouvait avoir prévues. Enfin, j'élargis mon enquête, à la suite de quoi je revins me jeter aux pieds d'Olympe, qui m'a pardonné. Parce qu'il faut que tu saches une chose, Zazin, c'est qu'Olympe est bonne autant que d'être. Possible, fis-je. Mais elle n'est pas fière. Là-dessus, il me quitta après m'avoir serré la main avec condescendance et aussi avec la satisfaction à peine déguisée d'un numéro 5 qui n'est pas fâché d'avoir pris la place du numéro 4. Comme vous pensez bien, je n'allais point les déranger chez eux. Mais je revis Jacobini 8 jours plus tard. Une angoisse affreuse se lisait sur sa figure pâle et inquiète. « Zazin, me dit-il d'une voix rauque, je crois que moi aussi, je suis touché. » Mais ce n'est peut-être qu'une idée. Oui, une idée. Ce Thalitanie vous rend fou, rien qu'en y pensant. Mais je vais essayer de plus y penser, Zazin. Je n'eus pas le temps de dire un mot. Il était déjà reparti. Et voici le drame effroyable qui se passa le lendemain, tel que l'enquête judiciaire la reconstitua avec l'aide du reste de Jacobini agonisant et des derniers témoignages de Palmyre. Amélie Jacobini, qui n'avait pas vu sa femme de la matinée et qui était en proie au plus sombre sentiment, bien qu'il essayât de se libérer de cette idée de poison qui le poursuivait depuis la veille, et qu'il mit sur le compte des fièvres paludéennes dont il avait souffert aux colonies le malaise qui le possédait, se dirigeait vers le pavillon. Ce fatal bâtiment qui avait servi de laboratoire à Delphin, qui avait été transformé par Hubert en pavillon de chasseur, était devenu, depuis le mariage de Jacobini, un singulier petit musée où l'officier avait réuni toutes ses collections ramenées des colonies. Les murs étaient tapissés d'images bizarres, les meubles supportaient de curieuses idoles. Au-dessus, large divan bas, recouvert de la dépouille des grandes chasses, étaient suspendues des panoplies formées d'armes frustes et sauvages, casse-têtes, flèches, sagaies, couteaux scies, qui semblaient avoir été inventées pour le bourreau, plus que pour le guerrier ou pour le défricheur. C'était là qu'était servi le déjeuner. Quand Jacobini y pénétra, une porte se fermait hâtivement au fond de la pièce. En même temps qu'il avait entendu des pas précipités, un bruit de claquoir, comme celui d'une boîte dont on laisse retomber le couvercle, était venu frapper son oreille. Il courut d'abord à la porte, m'entr'ouvrit, et aperçut Olympe, qui avait une conversation à voix basse avec Palmyre et paraissait fort agitée. Dans le même temps, une crampe terrible le saisit aux entrailles et il laissa se refermer la porte, n'ayant plus la force de se laisser tomber sur le divan. D'une main, il s'était accroché à la boîte à ouvrage d'Olympe, dont le couvercle mal refermé laissait échapper des bouts de fine lingerie. Obéissant au mouvement fébrile de sa main, le couvercle s'était soulevé. Les doigts de Jacobini, crispés par la douleur, fouillaient de gestes inconscients toute cette dentelle et rencontrèrent soudain un corps dur. Et voilà qu'il se redressa, hagard, fou. Sa main tenait le fétiche de mort, l'horrible fiole, le hideux Talitali qu'Olympe et Palmyre lui avaient juré avoir été brûlé, détruit, anéanti devant elle. Olympe lui avait menti. Olympe l'empoisonnait comme elle avait empoisonné les deux autres. Et il allait connaître le sort atroce qui avait déchiré son prédécesseur dans la couche de cette abominable strige. Et alors voilà ce qui se passa. Domptant pendant quelques instants le mal qui le ravageait, Jacobini versa dans le carafon de vin de la Moselle, qui était sur la table, ce qui restait du poison dans le fétiche. Il en restait assez pour constituer une dose foudroyante, et il attendit sa femme. Elle ne tarda pas à rentrer. Elle l'embrassa en lui demandant comment il se portait ce matin. Il répondit qu'il se sentait beaucoup mieux, mais que la fièvre ne l'avait point tout à fait quitté, et qu'il avait soif. « Eh bien, il faut boire, mon chéri, » lui dit-elle. Il n'attendit point qu'elle lui versât à boire, et il remplit les deux verres. « Mais tu sais bien que depuis quelque temps, je ne bois que de l'eau, » lui dit-elle. « Les médecins me défendent le vin. » Il insista. Il voulait qu'elle bût avec lui dans le même verre, comme ils avaient fait souvent. Elle détourna la tête. Alors, la saisissant comme une brute, il lui renversa la tête et sauvagement, lui pinça les narines, et elle dut boire. Elle criait d'effroi. Il lui dit « Tu aurais peut-être préféré une autre coupe ?» Et il lui montra le Talitali. Elle appela au secours, mais tout de suite, elle porta la main à son ventre et fut prise d'une crise terrible. En même temps, le mal le possédait à nouveau, lui, dans toute son horreur. Ils tombèrent en se roulant et en se déchirant sur le divan. Ils mêlaient leur géhenne, se crachaient leur bave empoisonnée. Se mordaient, s'arrachaient les chairs avec des cris de fauve, ils se tordaient, mêlaient l'un à l'autre dans le même brasier. Jacobini trouvait encore la force de l'insulter, de prononcer les noms de ses premières victimes. « Tu n'en tueras plus, tu vas crever avec moi !» Mais il souffrait trop, il semblait avoir tout l'enfer dans le ventre. Il arracha de la muraille des armes un coutelas et se le plongea dans les entrailles pour tuer le mal d'un coup avec lui. Il ne réussit qu'à se faire une horrible blessure. Alors il retourna le fer contre elle et ouvrit Olympe comme une bête, de bas en haut. Elle hurlait encore. Possédé de 1000 démons, il lui fracassa la tête, la perça de sagaies comme une pelote à épingle, lui creva les seins, les yeux, en fit des morceaux, et il continuait à se frapper lui aussi. À eux deux, il ne formait plus qu'une horreur sanglante, sans nom, sans forme. Elle était morte quand les domestiques accoururent dans la pièce. mais lui n'expira que le lendemain matin, après avoir, dans quelques moments de lucidité, narré les hideuses péripéties de leur abominable martyr au substitut qui, lui aussi, avait espéré de se marier avec cette femme et qui dut s'aliter en entrant chez lui. La nuit même, il se mit à divaguer. On put craindre qu'il devint fou et que ce drame comptât une victime de plus. Zinzin maintenant se taisait. La sueur coulait de ses tempes. Tous se taisaient. Enfin, la voix de Chanlieu dit « Et toi, tu n'es pas devenu fou ?»« Non, » fit-il, « mais je pourrais peut-être le devenir. » Encore un silence, puis la voix du commandant Michel. « La garce, tout de même, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ce qu'elle avait fait était épouvantable. » On entendit une sorte de gémissement. C'était Zinzin. « Ce qu'il y a d'épouvantable, dit-il, c'est qu'elle n'avait rien fait. » « Oh !» s'exclamèrent les autres. « Oui, elle était innocente. J'ai appris cela l'autre jour seulement. »« C'était Palmyre qui avait fait toute seule ?» s'écria Gobert. « Ah, quant à celle-là, fit Zinzin, avec un ricanement terrible, la justice l'a pris et ne lâcha point. Et je vous prie de croire que tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour qu'elle cueille le maximum, je l'ai fait. » J'ai fait Cosette à l'aide du docteur Samin, dont l'original avait été détruit par Jacobini. Sans moi, elle échappait peut-être à Palmyre. Et à la lettre lue en cour d'assises, j'ajoutais, en qualité de témoin, quelques commentaires bien sentis, et je rapportais des propos qu'elle écoutait d'un air idiot. Elle se bornait à répondre non à tout ce qu'on lui disait, et à pleurer sur Olympe. Pour celle-ci, cependant, elle donnait quelquefois des explications qui nous ahurissaient tant elles étaient bêtes ou nous paraissaient naïves. Ainsi, par exemple, quand on lui disait « Si votre maîtresse était innocente, elle n'aurait pas raconté à son mari que le Talitali avait été détruit devant elle, devant vous. »« Bah !» répliquait-elle. « C'est bien ça, ma fille. On s'était entendu pour dire ça parce qu'il y avait des bruits qui couraient et que nous ne voulions pas être soupçonnés. D'autant que nous ne savions pas ce qu'il était devenu, le Talitali. » Et que nous croyons bien que M. Delphin l'avait bien brûlé tout entier, comme Madame le lui avait commandé, un jour qu'il en avait jeté dans le feu quelques gouttes devant nous. Oui, elle avait trouvé celle-là. Elle fut huée, et je criai plus fort que les autres. Et à quoi a-t-elle été condamnée, demanda Chanlieu. À la peine de mort, fit Zinzin dans un souffle. Mais on n'exécute pas les femmes. Non, sa peine a été commuée d'une réclusion perpétuelle. Elle est morte en cellule il y a 10 ans. J'ai appris encore cela l'autre jour. Et s'est-elle repentie? A-t-elle avoué? Demanda Michel. Non, dit Zinzin, en nous regardant comme un dément. Elle n'avait rien avoué. Elle aussi était innocente. Nom de Dieu, fit Chanlieu. Mais alors, qui était le coupable? Interrogea Gobert. Un homme qui vient de mourir en faisant lui des aveux et qui s'était retiré après le drame, pas loin d'ici. Oui, il est mort l'autre jour au Bourillon. Cet homme possédait dans le bourg une petite propriété qui joignait le fond du parc où était le pavillon. Mais qui était cet homme? L'un des 12? Oui, l'un des 12. C'était même le 12e. Celui-là n'avait aucun espoir d'épouser jamais Olympe, car bien sûr, elle n'irait pas au bout des 12, n'est-ce pas? Après 11 mois pareil. Seulement, il supprimait ceux qui avaient été plus heureux que lui. Et à la fin, il s'arrangeait pour faire croire que l'assassin, c'était Olympe. Rappelez-vous l'arrivée du 12e, dans le salon où nous étions alignés. L'arrivée de M. Passifère, le receveur de l'enregistrement. Comme Olympe s'était joué de lui, et comme nous avions ri quand elle l'avait planté tout au bout du rang, à la queue. Oui, on s'était moqué de M. Passifère quand il était entré dans le salon. Eh bien, il s'était vengé, cet homme. Fin. La femme au collier de verre. Vous dites que toutes les histoires de Vendetta Corse se ressemblent. Si l'ex-capitaine au long cours, Gobert, au vieux commandant Michel, eh bien, j'en connais une, moi, qui laisse loin derrière elle tous les pauvres petits drames du maquis et qui m'a fait frissonner jusqu'au moelle, je vous le jure. Oui, oui, répliqua le commandant, sceptique comme il convient à un homme qui prétend connaître les plus belles aventures du monde et qui ne croit guère à celles des autres. Oui, oui, encore quelques coups de fusil, mais racontez toujours.